The whip is a fouet. A fouet, yes. Fouet is to be whipped. Yes. All right. Buggy whip, un fouet de buggy. Et là, un fouet de peau cru. You know what that is, Mark? No. That's a rawhide whip. Say that again. Un fouet de peau cru. Peau cru. Rawhide whip. Et puis, écoute, moi, je connais comment c'est... j'ai déjà dansé avec un fouet... pas souvent, mais comme ça. Et là, les petites verges, et là, comment j'aimerais que le monde appelle pour dire leur expérience avec des fouettes, différentes qualités, d'avoir été fouetté, tu connais, déjà dans le clos, arrache un pied de coton et d'être fouetté avec ça, si tu n'étais pas prêt de comporter bien, à bûcher, baleiner, doubler, fouetté, haché, différentes choses comme ça. Experiences quand t'as été taillé ou fouetté. But how about working in the field, you know? Attrape ça, le pied de coton, et puis viens me chercher. I remember a friend, some neighbors, et criait, oh, Horace, viens ici. Horace had not been behaving too well for some reason or other, but it was in the field. Horace, viens ici, m'a taillé, ouais, garçon. But anyway, that's just some of the memories, and I'm sure a lot of you listening right now can remember getting trimmed for some reason or another. And what was it? Un petit vache de péché, ou une ceinture, ou un strap, ou un petit fouet. Je suis sûr qu'il y en a tant que des mémoires pour ça. Mais ça, peut-être ça fait du mal à ce temps-là, mais ça n'a pas fait du mal dans le long run. C'était bon pour être corrigé tous les temps en temps. Et je croyais peut-être que quelqu'un aurait appelé pour dire leur expérience d'avoir eu leur faute qui l'ont réchauffé dans le clos ou à la maison, tu connais? Parce que je suis sûr qu'il y a un tas de vous qui après écouter qui a des mémoires d'avoir eu des expériences comme ça, tu connais?